l'international. Je dis bien l'international des internationaux. Le SBB, l'Orchestre Populaire de Populaire. Dans la République Populaire du Congo. Le médaillon des médailles. Cédar Lwembe, Vieux Makondo, Martin Walembo, Balumas, Amantero Kazuna, Boteke, Tobo Sanate Banima Ve. SBB, allons-y. kokai Nyeboka Kese tika tobo kisaye Nyeboka Falyo, falyo Nyeboka Jose, Jose Nyeboka Papa Saidu Nyeboka